Le lendemain, Ayrton reparut au lever du jour. Un homme l'accompagnait, qui se disait maréchal Ferrand de la station de Black Point. Le maréchal Ferrand se mit à l'ouvrage. 2 heures après, les avaries du chariot étaient réparées. Quant au cheval de Glenarvan, ce fut vite fait. Le maréchal Ferrand avait eu soin d'apporter des fers tout préparés. Bientôt, les fers furent ajustés aux sabots du cheval. Puis, le maréchal Ferrand réclama son salaire et s'en alla, sans avoir prononcé 4 paroles. Une demi-heure plus tard, les voyageurs étaient en marche. Quelques milles plus loin, les roues du chariot sillonnèrent assez profondément des terrains lacustres. Puis on côtoya de vastes lagunes salées. Le voyage se faisait sans peine, il faut ajouter sans ennui. Lady Helena invitait les cavaliers à lui rendre visite tour à tour, car son salon était fort exigu. Mais chacun se délassait ainsi des fatigues du cheval et se recréait la conversation de cette aimable femme. Ce fut ainsi que l'on coupa diagonalement le Mail Road de Crowland à Horsham. Et le soir, la troupe arriva à 3 milles au-dessus de Maryborough. Le lendemain, 29 décembre, la marche fut un peu retardée par une suite de monticules qui formaient une petite Suisse en miniature. À 11 heures, on arriva à Carlsbrook, municipalité assez importante. Paganel, toujours friand de curiosité, désirait visiter Carlsbrook. Mais le chariot continua lentement son voyage. Paganel amena Robert avec lui. Sa visite à la municipalité fut rapide, mais elle suffit à lui donner un aperçu exact des villes australiennes. Il y avait là une banque, un palais de justice, un marché, une école, une église et une centaine de maisons de briques parfaitement uniformes, le tout disposé dans un quadrilatère régulier coupé de rues parallèles d'après la méthode anglaise. Rien de plus simple, mais de moins récréatif. Quand la ville augmente, on allonge ses rues comme les culottes d'un enfant qui grandit, et la simitie primitive n'est aucunement dérangée. Des gens affairés couraient les rues, des expéditeurs d'or se pressaient au bureau d'arrivage. Tout ce monde, éperonné par l'intérêt, ne songeait qu'à ses affaires, et les étrangers passèrent inaperçus au milieu de cette population laborieuse. Après 1 heure employée à parcourir Carlsbrook, les 2 visiteurs rejoignirent leurs compagnons.